vient de s'écouter Amanda Shankar et State of Bengal. C'est un Anglais d'origine pakistanaise qui fait de la jungle et drum and bass. Et on revient tout de suite dans, au fond près du radiateur, 106.3 FM, tous les mardis soirs, hein, de 19h à 20h30. À vous la parole sur le plateau. Bah merci Robinson, donc on est toujours avec Mustapha et moi-même Raphaël sur le plateau. Et donc là, on, en début d'émission, on accueille Théo qui fait partie de l'émission Dobout, donc qui commence à 20h30 sur cette antenne Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et du coup, on voulait te donner la parole parce que là, il y a deux semaines, on avait eu un membre de l'UTG, donc l'Union des Travailleurs Guyanais, qui s'appelle Albert Darnal, qui nous avait parlé du mouvement et de la grève générale qui avait lieu en ce moment en Guyane. Et du coup, toi, tu étais à la manifestation à Paris samedi dernier en solidarité donc, avec le mouvement là-bas. Et bah, si tu peux nous raconter un peu cette manifestation et nous donner les dernières nouvelles du mouvement en Guyane. Alors, on va commencer par le mouvement qui s'est levé ici, en fait. Il y a trois semaines, en fait, il s'est organisé une réunion à Blanc-Mesnil du collectif des Guyanais d'Île-de-France et qui se sont organisés à vouloir mobiliser chaque semaine la communauté guyanaise dans Paris. Alors, le premier rassemblement qu'ils ont fait, c'est samedi, il y a deux semaines, et ils se sont rassemblés à la place Vauban. Bon, alors le lieu, il est un peu perdu, mais comme c'est la première fois qu'ils demandaient de ce genre de manifestation, donc la préfecture les a un peu trimballés. Et donc, cette première manifestation, il y a deux semaines, était vraiment, ils avaient 700 personnes au moins sur la place D'accord. Vauban. C'était vraiment un grand rassemblement. Et au vu du succès de ce rassemblement, ils ont décidé de reconduire la manifestation en organisant une marche la semaine dernière, samedi dernier, qui partait de Champ de Mars, c'est du Champ de Mars en fait, en allant jusqu'à la place Vauban. D'accord. Alors c'est là que nous, on est intervenus, Rastot et moi, Lucien de Radio Dubout, puisque nous sommes en relation aussi avec les syndicats et nous organisions les nuits debout et les noirs debout surtout. On s'est dit, on va voir les syndicats, on va leur demander leur matériel, et parce que la première manifestation où ils étaient vraiment nombreux, ils n'avaient pas de matériel, ils n'avaient que des mégaphones et ce n'était pas audible pour tout le monde. Donc on s'est dit, on va leur apporter un soutien en venant avec une sonomobile, une logistique de sonorisation pour participer à la marche. Et donc samedi, on est venu avec cette sonomobile qui nous a été prêtée par Sud Solidaire. Et la marche tout s'est bien déroulé, ils ont été audibles, ils avaient les banderoles, les enfants étaient là, c'était vraiment convivial. En tout cas, il y avait un petit peu moins de monde que la première fois, dommage, mais l'important c'est que les Guyanais se mobilisent sur Paris, mais le plus important serait que les communautés ultramarines de la région d'Île-de-France aussi se mobilisent avec eux, parce qu'en fait, c'est les mêmes revendications qu'ils ont. On revient un peu sur les événements des mouvements sociaux de 2009. C'était les Guyanais qui avaient démarré ces mouvements sociaux en 2008, décembre 2008, avec des grèves d'essence, et après le LKP avait lancé le mouvement en 2009, qui avait été suivi par la Martinique et la Réunion. Tu peux rappeler ce que c'est le LKP? Le LKP, c'est Lionnage contre Profitation, qui veut dire l'alliance contre les profits outranciers, qui est dirigée par le syndicaliste Elie Domota. Et donc, en fait, les Guyanais ont toujours été un peu les précurseurs des mouvements sociaux, en fait. Et c'est ce qui a démarré aussi. C'est ce qui avait démarré, je le disais, en Guadeloupe. C'est eux qui avaient démarré en 2008. Cette année, c'est eux encore aussi qui s'affichent. Et là, d'après les nouvelles de là-bas, rien n'a changé encore, hormis que... D'après les dernières informations, certains groupes voudraient lever les barrages, mais ça m'étonne que ça puisse se réaliser. Donc voilà, c'est les dernières nouvelles qu'on a eues aujourd'hui. On avait vu qu'il y avait une délégation du gouvernement qui était arrivée avec un ancien préfet et des secrétaires d'État et ce genre de trucs, et ça a été refusé. par les Guyanais. On voit qu'il y a pas mal en fait de collectifs, d'assos, de syndicats qui sont mis dans le mouvement et qui sont en marche. Et ça prend une bonne partie de la population guyanaise est dans la rue en fait. Oui, oui. Il y avait plus de 20 000 personnes, je crois, dans une manif, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Sur une population de 250 000 habitants, ce qui est assez conséquent. Conséquent. Ça représenterait sur Île-de-France, genre comme s'il y avait 4 millions de manifestants d'un seul coup dans la rue. Mais il y a juste un collectif qui est assez clivant et qui est assez ambigu à mon sens, à moi. C'est celui des 500 frères, en fait. Je voulais qu'on en parle un petit peu, si c'est possible. C'est possible, oui. Qui est dirigé par un ancien mec de la police nationale française, en fait, dont le discours est essentiellement basé sur la sécurité, mais aussi sur les étrangers, pour les expulsions des étrangers, la criminalité et tout ça. Alors oui, c'est une question que nous aussi, on s'est posée à Dubout. Parce que en fait, l'histoire commence en Guyane parce qu'il y a eu quand même deux meurtres au mois de février. Il y a un syndicaliste et puis un jeune qui sont morts. Et c'est à cause de ces morts que ce groupe des 500 frères s'est constitué, cagoulé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en général, c'est tous des fonctionnaires publics où ils travaillent, ils travaillent dans les pénitenciers, ils peuvent être policiers, ils peuvent être pompiers. Enfin, ce sont des fonctionnaires publics. Donc, ils préfèrent agir à visage couvert. Donc, et par contre, pour les revendications, ben, nous non plus, on n'a toujours pas compris parce que, en fait, ça rejoignait un peu la politique gouvernementale. On dirait que c'était le gouvernement qui leur demandait de leur dire de donner ces genres de revendications. Parce que... Par exemple, ils demandaient l'ouverture d'une nouvelle prison, notamment. Ah oui, c'est des gros marchés. C'est des gros marchés. Mais ouais. Moi, ce qui m'a ennuyé, c'est qu'ils demandaient des ouvertures de nouvelles prisons et ils demandaient de comment s'appellent les prisonniers étrangers qu'il fallait qu'ils les renvoient chez eux dans les prisons déjà actuelles en Guyane. Et je trouve ça si on doit éjecter les prisonniers qui sont pas français dans leur pays, ça vide les prisons normalement. Donc je vois pas pourquoi on en construirait d'autres. Moi j'ai plus l'impression que ça c'est des marchés que le gouvernement a besoin de mettre en place parce que c'est des marchés. D'ici de Paris, en fait, on a beaucoup l'impression que les médias essaient de favoriser les 500 frères, notamment, plutôt que les autres. Parce que quand tu regardes et que tu écoutes le discours des syndicalistes ou d'autres associations guyanaises, en fait, il y a une espèce d'empreinte anticoloniale qui ressort quand même, un rapport de force par rapport au gouvernement et par rapport à une forme de domination, en fait, de la métropole sur le territoire d'outre-mer ou le département d'outre-mer. Et du coup, c'est pour ça que ça paraît assez ambigu. Alors oui, c'est ambigu. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas que les médias donnent toutes les vraies revendications des Guyanais. Là, on entend les 500 frères parce que c'est eux qui ont lancé le mouvement, en fait. Hein. Voilà, la venue de, comment elle s'appelle, l'ancienne... femme de... Ah, Ségolène Royal, Ségolène quand Royal. Était venue, donc, ils ont fait une apparition à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait leur apparition. Et en fait, ils ont étouffé toutes les revendications des syndicats qui profitaient aussi de rappeler que rien n'avait changé depuis 2009 et qu'ils avaient besoin ils avaient des problèmes de santé, dans l'enseignement. Enfin, c'est les revendications pour tous les Outre-mer, en fait. Et c'est un territoire qui est très riche, notamment avec... comment on appelle ça, l'orpaillage, c'est-à-dire l'extraction d'or, avec aussi du pétrole. Du pétrole, le bois. Le bois. Et avec notamment la base spatiale Kourou, d'où sont lancées notamment les fusées Ariane, mais pas seulement, il me semble qu'il y a Soyouz aussi qui part de là-bas, et qui ne paye pas d'impôts, donc qui revient pas. C'est pour ça que je disais... Qui permet à la France d'être une puissance spatiale et tout ça. Les médias ne disent pas tout, parce qu'en en fait, il y a des revendications syndicales, mais il n'y a aucune revendication politique, alors qu'il y en a. Mais seulement, on ne les entend pas. On va parler des autochtones, ça veut dire des Amérindiens autochtones qui sont guyanais et qui vivent là-bas et qui, eux, aspirent à d'autres conditions, qui veut dire ils seraient plus souverainistes, voire autonomistes, indépendantistes. Et ça, on n'en parle pas. Et parce que c'est pas le... sujet que le média veut entendre. C'est pas le média, il veut entendre que les Guyanais ne sont pas contents parce que soi-disant ils seraient en insécurité. C'est ça qui passe en priorité. Ensuite, ils essayent de voir s'ils vont les aider autrement dans toutes les revendications syndicales. Moi, ce que je trouve navrant, c'est que effectivement, il y a plus de 80 tonnes d'or qui sort de Guyane chaque année et que les Guyanais ne bénéficient de rien. C'est donc rapatrié, entre guillemets, en métropole et ça va dans les caisses de la Banque de France. Quoi. C'est ça. Et c'est stocké et ça dort, comme c'est dit, de l'or. Donc, c'est encore montrer ce pouvoir colonial, puisqu'on est comme en Afrique, hein, ça veut dire c'est la même chose, en fait. On exploite les richesses au détriment des autochtones et des peuples autochtones. Et en plus, qui plus est, là, français. Donc, j'espère que les Guyanais vont poursuivre cette grève et puis qu'ils vont laisser entendre aussi. Alors aussi, je vais revenir sur 2009, puisque après 2009, il y a eu une consultation référendaire, puis je vais terminer avec ça, il y a une consultation référendaire où les Guyanais ont voté l'article 73 au lieu du 74, qu'il ait changé de statut, qu'il devenait un territoire autonome, plus autonome, comme les Tahiti, en fait, ça devenait un territoire. C'est l'article 74 de la Constitution française. Et ils ont refusé à cette époque-là, parce qu'en fait, c'est vrai, ce référendum avait été lancé, était bâclé par l'ancien président Sarkozy. Et seule la Guyane et la Martinique avaient répondu à ce référendum et avaient dit non, on préfère rester toujours dépendant, parce que... voilà dans quel état aujourd'hui les départements d'outre-mer sont. Voilà. D'accord. Et du coup, tu peux nous rappeler, il y a une prochaine manifestation samedi. Alors, j'attends les nouvelles parce que j'attends qu'ils aient les autorisations parce que on aura ça d'ici demain. D'accord. Donc, dans l'agenda, on en reparlera. Et comment on peut se tenir au courant, sinon sur Internet, par exemple, tu sais? Alors, ça vient de se créer. Hein. Je pense qu'il y a déjà faut regarder déjà collectif. De Guyane et d'Île-de-France. Ensuite, je sais qu'ils fonctionnent beaucoup sur WhatsApp. D'accord. Donc, moi, j'ai pas trop d'informations que toi dans leurs moyens de communication. Voilà. Ok. Donc, on rappelle, toi, tu fais partie de l'émission Dooboot. Donc, vous êtes l'émission qui est juste après nous, qui commence à partir de 20h30. Et tu peux nous rappeler un peu. Qu'est-ce que c'est ton émission et de quoi vous allez parler ce soir, par exemple? Alors, Dooboot, oui, hein, Dooboot, c'est notre émission 100% art-frothérapie, parce qu'on pense que par l'art, on arrive à faire une afrothérapie pour les personnes d'ascendance africaine. Alors, ce soir, on va traiter un peu la journée. Aujourd'hui, on est le 11 avril, c'est la journée, une journée de commémoration. Pour nous, pour rappeler que c'est la date du 11 avril 1946 où l'abolition du travail forcé, c'est la loi Houphouët-Boigny. Donc on aura ce soir au téléphone le professeur Olivier Lecourt Grandmaison qui va justement nous parler de il a lancé un appel à la reconnaissance des crimes coloniaux, et c'est important que aujourd'hui ce crime aussi soit entendu. C'est comme l'esclavage, puisqu'on a eu la période de l'esclavage de 1635 jusqu'en 1848, mais après 1848 on a eu le travail forcé sur le continent africain et ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu que sur le compte, en Asie aussi. C'est un aspect majeur de la colonisation. Qui a terminé en 1946. Voilà, c'est pour rappeler qu'aujourd'hui, c'est cette date commémorative que nous allons parler dans notre émission Dooboot ce soir. Dooboot qui veut dire debout, lève-toi et bats-toi pour tes droits. Bah, on te remercie. Merci beaucoup de nous avoir donné des infos. Et on vous invite, on vous retrouve tout de suite après sur la même antenne à 20h30. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Ciao. Du coup, tu peux nous lancer une pause musicale avec Chrisette Michel, Good Girl, Robinson. Et après, on viendra sur l'ambiance des élections politiques. Comme on s'aperçoit régulièrement, ça se cristallise tout le temps autour des élections. Et t'as pas mal de personnes qui disent on vote plus et on revote. Tout de suite avec Chrisette Michel, Good Girl. Vous êtes toujours sur FPP, au fond près du radiateur. Attraction just Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Fond près du radiateur sur FPP 106.3, toujours en compagnie de Raphaël, Jeanne, Robinson, Mouloud et moi-même. Et du coup, là, on va lancer une petite chanson qui va présenter les élections présidentielles. C'est la chanson un petit peu fétiche pour moi en ce moment. Ça me fait délirer. C'est un tout petit son de 40 secondes. Hein. Faut pas paniquer. Et après, on va présenter les candidats. Il y a Mélenchon, Raymond Le Pen et puis Macron, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont et Jean Fillon. Beaucoup de candidats au départ et un seul à l'arrivée. Certains savent qu'ils vont pas gagner, mais ils se disent je vais essayer. Je peux entrer dans l'histoire ou tout au moins avoir un député. Oh, je peux entrer dans l'histoire ou tout au moins avoir un député. Ou peut-être que je peux trouver un boulot grâce à ma candidature. Je pourrais dire à mes petits enfants, papy a failli être président. Le Conseil constitutionnel a publié samedi la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle en France. Le premier tour aura lieu le 23 avril, le second tour le 7 mai. Et ils seront finalement 11 candidats, un de plus qu'il y a 5 ans. Les 6 noms sur cette image s'ajoutent donc aux 5 gros candidats, comme on les appelle, ceux qui dépassent la barre des 10% dans les intentions de vote. Favorite du premier tour selon les sondages, la présidente du Front National, Marine Le Pen. Elle prône un patriotisme économique, veut une sortie de l'Union européenne et a fortiori de la zone euro et un contrôle strict de l'immigration et des frontières. Favori pour l'accompagner au second tour, Emmanuel Macron. Il se dit et de gauche et de droite et rassemble dans les deux camps. C'est un libéral tant sur le plan économique que sur les sujets de société. Le candidat Les Républicains François Fillon défend un programme de rigueur au cœur duquel figure une baisse des dépenses publiques avec en particulier la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires et l'abrogation des 35 heures. Le candidat du Parti Socialiste Benoît Hamon a fait alliance avec les écologistes dans un projet mettant en valeur l'écologie et l'éducation. Son programme est proche de celui de Jean-Luc Mélenchon qui prétend représenter une France dite insoumise et veut une refonte des institutions afin de mettre en place une 6e République. Près de 47 millions d'électeurs seront donc appelés les 23 avril et 7 mai à désigner l'homme ou la femme qui succédera à François Hollande. Dans les rues de Meaux, il ne reste plus que deux panneaux électoraux. Celui du FN affiche fièrement la couleur. Côté UMP, en revanche, le logo a étrangement disparu. Profil bas du parti de la majorité. Au premier tour ici, le Front National a réalisé un score historique de 22,5%. Sa candidate se qualifie pour le second tour, se payant même le luxe de dépasser les socialistes. Moi, je vous le dis franchement, je suis raciste. On est obligé de l'être parce qu'il y a trop d'émigrés. Il y a trop d'émigrés qui ne travaillent pas et qui y arrivent mieux que nous. Ils ont des secours et tout ça qu'on n'a pas nous. Eh ben, les problèmes soulevés par l'immigration, je trouve qu'ils ont souvent raison parce qu'on ne fait pas grand-chose et on est quand même nettement envahi. J'ai été élevée dans une famille en fait Front National à la base. Depuis toute petite, il y a mes parents qui font de la politique et tout, donc bon, je suis un peu habituée. Donc du coup, j'ai beaucoup écouté les discours, je me suis beaucoup intéressée à la politique, tout ça. Je vois aussi aujourd'hui que le gouvernement ne sait plus quoi faire pour taper sur la tête des Français. Gros sceptique. Je vois la délinquance, excusez-moi l'expression, je vois aussi l'immigration. Quand François Hollande il laisse faire les étrangers faire ce qu'ils veulent et aux Français il les laisse un peu dans la merde. Quoi. Quand on voit que la dette a explosé et que l'immigration, c'est 200 000 immigrés qui rentrent chaque année légalement. À vrai dire, on a eu pas mal de problèmes avec... Comme beaucoup de Français, en 2004, j'ai entendu le discours de Nicolas Sarkozy sur les banlieues. On a eu pas mal de problèmes avec les musulmans, en fait. Monsieur Sarkozy a promis qu'il allait passer un coup de Karcher. Or, il ne l'a pas fait. Son père s'est fait... Son père s'est fait... À côté d'une cité à la Seine. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, ça suffit, quoi, stop. Dans le cortège, les jeunes clament sans complexe le rejet de l'étranger. On est chez nous, on est chez nous. La France française, les biens rouges, la France française. Faut se réveiller, bordel. Faut donner le boulot pour nous, les Français. Voilà. Après, les sans-papiers, ils n'ont rien à faire ici, je suis désolé. Et arrêtez de faire rentrer des plein d'immigrés en France. Aujourd'hui, le français, on le punit. On le punit trop pour ce qu'il a fait, quoi. Voilà, on va considérer sur d'autres personnes, on va rien leur dire. C'est pas normal, ça. C'est pas de la justice, ça. Il faut que ça change. Et Marine est là pour changer ce système. Il y a un lien entre immigration et insécurité. Tout à fait. Le taux en fait d'immigrés en prison en France, il est de combien, vous le savez? Presque 70%. Voilà. La laïcité, c'est déjà qu'on n'impose pas déjà ses idées. D'accord? Et vous savez comme moi que les premiers, et je le dis haut et fort, que les premiers à revendiquer leur religion, c'est les musulmans, justement, à imposer leur idée. Et ça se fait depuis des années, mais encore plus maintenant. Donc je pense qu'à un moment donné, on est chrétien d'origine et on doit respecter nos origines aussi. On a des valeurs qui sont contraires, sincèrement contraires à l'islam. Voilà. L'Algérie, Maroc, Tunisie, tout ce qui a un drapeau qui sont sous le sol français, sera jamais français. Vous êtes contre la naturalisation des étrangers? À bloc. La personne vient travailler, il travaille et il s'en va. Quand il veut. Et tous les clandestins qui rentrent en France, et ça coûte des sous. Quoi. On a parlé aussi de ceux qui sont en taule, quoi. Ceux qui sont en prison. Quoi. Qui ressortent et après ils sont naturalisés français. Il y a trop d'étrangers aussi. Quoi. 5 euros la séance et à défaut de pop-corn, pour tout ticket acheté, un pins lumineux offert. À l'affiche du Palais des Congrès, Marine Le Pen, la candidate du Front National, a choisi Strasbourg pour revenir à ses fondamentaux. Immigration, laïcité, insécurité, place à l'action, c'est son scénario remis au goût du jour devant 1500 personnes. On est arrivé au bout du communautarisme. Insécurité, la peur. La violence, les armes, de plus en plus souvent des armes de guerre. L'islam devra s'adapter à la laïcité. Des mots qui font mouche une base réceptive. Aux armes ! Moi, ce que j'aime bien chez Marine Le Pen, au moins elle est française, quoi. C'est déjà ça, quoi. Donc, elle a tout vu venir au niveau de l'euro, au niveau de l'immigration, de l'insécurité, à tous les sujets. Et elle propose des solutions concrètes, chiffrées, contrairement à tous ses adversaires. Et c'est ça qui me fait croire en elle. Et pour la laïcité, ça m'a beaucoup plu parce que beaucoup des Européens ou des Français oublient qu'ils sont issus de la tradition chrétienne, quoi. Loin des clichés FN égale crâne rasé, bombers, rangers, à Strasbourg on a croisé un peu monsieur tout le monde. Marine Le Pen, comme son père, se plaint d'être sous-représentée dans les médias. Elle n'a cependant pas daigné répondre aux questions de ces bobos de gauche de journaleux. D'autres heureusement se méfient moins des gras de papier et nous font même le générique de fin. Première, deuxième, troisième génération, oh, de tous, des mangeurs de cochons. La meuf met un saucisson pour éloigner les musulmans. Mais le truc, c'est que notre journaliste Salia Braclia s'appelle Salia Braclia. Et voici la suite. Vous comprenez moi française, ok? Moi aussi. Salia, être autant française que toi, qui a saucisson sur drapeau. Mais Salia, cerveau, toi, pas cerveau, saucisson sur drapeau. Front National. Vous pensez qu'il y a des problèmes d'immigration en France? Bien sûr. Ah bah, il faudrait un petit peu dégager. Dégager. Tout à l'heure, on va rejoindre l'équipe à 13h30. Depuis leur rencontre, Kevin et Cassandra ne se quittent plus, pas encore installés ensemble, mais déjà engagés tous les deux au Front National. À tour de rôle, ils se retrouvent chez leurs parents. Cassandra, 17 ans, pour réviser ses cours d'éleveur de chiens par correspondance. Kevin, 20 ans, pour préparer les derniers tracts de sa candidate. Là, c'est sur l'explosion des cambriolages en France. C'est comme quoi que Nicolas Sarkozy abandonne les Français, les propositions de Marine, quoi. Pour résoudre ça, quoi, quand t'as des vacances. Moi, je suis pas d'accord. Hein, pourquoi que vous me mettez sur FM? On est du Front National, mais on remplace parce que les affiches, ils ont été arrachées. Ah bon, alors je dis rien. D'accord. Bah, vous pouvez regarder, c'est les flammes, tout. Ouais, ouais. C'est nous qui les collons, ces affiches-là, régulièrement, mais on nous les arrache, donc. Mais un petit peu, parce qu'il n'en faudrait, parce qu'il y a trop d'étrangers en France. Troisième question, Rafale, quand on va aux manifestations FN... Ça t'a fait froid dans le dos. Hein. Voilà, c'était 5 minutes de faf sur Au fond près du radiateur FPP 106.3 FM. On n'a pas l'habitude de passer ce genre de son. Voilà, donc 5 minutes de faf condensée. Bon, on a été dur avec vous un petit peu, on s'excuse. Mais en fait, c'est juste pour vous rappeler qu'une partie de la France est comme ça, en fait. N'en déplaise à Mélenchon. Donc, Moustapha, pourquoi t'as choisi de nous passer, ça ? Parce que c'est une bonne partie de la France qui est comme ça. Comment ça est comme ça ? Bah, je vais te dire, du NPA, lutte ouvrière, ou ce que tu veux, jusqu'à l'extrême droite, t'as une bonne partie des gens qui pensent comme ça. Mais qui pensent comment, en fait ? Moi, j'aime pas trop prendre les gens pour des cons, tu vois. Concrètement, que l'immigration, c'est un problème, même s'ils ne disent pas, tu vois. Tu penses concrètement que la religion, c'est un problème. Que si t'es pas, genre, tu t'appelles pas Mohamed et tu manges pas un saucisson du porc et que t'es pas athée, ben en fait, t'es pas révolutionnaire. Et ça, c'est L.O. qui le dit. Tu sais que j'ai lu un texte de L.O. il y a pas longtemps, où la fin, c'était « Si tu n'es pas athée, tu ne peux pas être révolutionnaire. » Mais après, c'est L.O., tu vois. Bon, oui, après, on va pas... Voilà, peu importe. Je retire ce que j'ai dit. Et en plus, c'est la mentalité d'une bonne partie des Français. Pourquoi je vais nier cette mentalité-là ou ce qui existe ? En fait, elle existe, tu vois ? Non, c'est pas la nier. Après, c'est peut-être... je pense que c'est bien de le constater, tu vois, mais que c'est mieux d'essayer de le comprendre parce que apprendre les gens pour des cons, tu vois, après... Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est justement plus en les prenant pour des cons qu'ils vont se tourner après, vers des trucs... Après, juste un truc, tu vois, les élections, elles cristallisent toujours les gens, tout le temps. C'est marrant parce que tu rencontres plein de gens entre les élections présidentielles et t'en as plein qui sont dégoûtés de la politique en général. Et au moment des élections, comme par hasard, t'as plein de gens qui sont pour ou pas tel candidat. Je sais pas. Toi, Raph, t'en penses quoi ? Rien ? Peut-être Mouloud ? Vas-y, c'est toi qui as choisi de passer les sons et tout. Bah vas-y quoi ? Si vous en pensez rien, on va arrêter d'en parler. Parce que franchement, là, on va enchaîner sur Fillon. Oh ! J'ai fait un petit dégradé, un petit camailleux, tu vois. J'ai commencé par extrême droite. Et je rétrograde en passant par Fillon, Macron et Mélenchon. Ok. Je voulais pas être méchant avec Poutou. Du coup, je l'ai pas mis. Donc, on va s'écouter deuxième son. Parle. Alors, désolé parce que j'essaye de faire la technique. Non, par rapport à ça, c'est vrai que d'abord, moi, quand j'ai compté les quelques sons qui ont été faits. C'est juste au bout de moins d'une minute, c'est insupportable. Je trouve que c'est intéressant aussi d'écouter les gens qu'on n'entend jamais, entre guillemets, soi-disant, des bandes de porcs, pour moi, racistes. C'est vrai que tu as raison aussi, Moustapha, par rapport à l'extrême gauche. Lutte ouvrière est très connue pour ça, dans sa lutte pour la laïcité. Et quand même, c'est bien de rappeler qu'elle fait beaucoup de discrimination par rapport à ça. Et je crois que ça participe aussi de cette réalité où on stigmatise des gens, on pointe du doigt des gens, c'est très bien, ça rassure. Et je trouve que Lutte ouvrière est très connue pour ça, et y compris quand il y avait des crimes racistes, elle disait qu'elle mettait sur le même plan les tueurs à la carabine et les jeunes qui avaient subi des crimes, etc. Donc c'est... Voilà, c'est aussi ça, l'extrême gauche, avec ce côté bleu, blanc, rouge. Je trouve que c'est aussi c'est tout ça que charrie aujourd'hui le Front National, pour moi. Et je voudrais rajouter, hein, c'est ce que je vis pratiquement tout le temps, en fait. Mais vraiment tout le temps. L'autre fois, j'étais à Orléans, accompagné Ahmed, pour trouver un avocat pour son recours à l'OQTF, tu vois. J'avais jamais mis les pieds à Orléans. Bah, j'avais l'impression que j'avais affaire qu'à des racistes, tu vois. Je posais une question. Non, juste pour me demander mon chemin, tu vois. Et je ressens ça, en fait, régulièrement. Et que ça soit au taf ou n'importe quoi, je ressens ça régulièrement. Et c'est ce que pensent les gens, en majorité. On les a tellement habitués au racisme, on a tellement banalisé pas mal de trucs que c'est comme ça. Et c'est pas que l'extrême-gauche, c'est aussi l'ultra-gauche, c'est aussi des autonomes, des anards, avec le petit carré de la FA, qui garde sa foi en l'athéisme. Parce que l'FA, Fédération Anarchiste, là. L'athéisme, c'est une foi religieuse, en fait, comme les autres religions. Il n'y a que les agnostiques qui n'ont pas de foi, en fait. Et l'athéisme, c'est une foi aussi vieille que les religions, en fait. Elle n'est pas neuve, elle n'est pas rien. Alors dire que être athée, c'est être révolutionnaire, c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde. Et exclure pas mal de gens aussi. Je crois qu'il faut... Après, je ne sais pas ce que tu entends par athée, Mais là où quelque chose qui me semble plus tenir de la religion, ça me paraît plus être la laïcité, en fait, où c'est un espèce de... Enfin... Je sais pas. En tout cas, moi, ce que je te parle, c'est sur la foi. Tu fais un pari si Dieu existe ou pas. Ou si des dieux ou des déesses existent ou pas. À partir du moment où tu as une certitude sur ce que tu ne peux pas avoir comme certitude, tu as une foi. En tant qu'athée, tu as la foi. Si tu es sûr qu'il n'y a pas de dieu ou de déesse ou de ce que tu veux, c'est que tu as foi en son non-existence. Donc c'est un pari pareil. C'est kif-kif bourrico. Que tu sois chrétien ou athée, c'est la même chose en fait. On enchaîne avec Fio. Premier tour de la présidentielle, il y a le duo de tête Marine Le Pen, 26,5, Emmanuel Macron, 25,5 et loin derrière, François Fillon qui perd encore un point à 18,5% d'intention de vote, selon IFOP Fiducial pour Paris Match. Sur le terrain, vous l'avez constaté, Théo Manval, vous étiez à Saint-Raphaël au meeting de Marine Le Pen hier. Certains sympathisants Les Républicains sont tentés par le vote FN dès le premier tour. Oui, comme Jean-Claude et Christian, ils sont venus avec un groupe d'amis, ils ont toujours voté à droite, participé à la primaire. On a voté pour un candidat qui a quelques petits problèmes. Sentiment de malaise finalement, je lui dis qu'est-ce que je fais ? Alors ils sont venus voir, car tout compte fait, Marine Le Pen ne leur paraît plus si éloignée. Sur ce qui est de l'immigration par exemple, sur le fait qu'on n'a pas suffisamment protégé nos entreprises françaises, c'est là que je suis un petit peu d'accord avec elle. Sur la famille aussi, la défense des valeurs. À la tribune, la candidate frontiste accuse François Fillon d'avoir fait de son camp un champ de ruines et elle reprend la formule quelques minutes plus tard, comme pour s'afficher les bras ouverts. Il y a une espérance. À l'écart de ce champ de ruines, c'est nous, mes chers amis. Nous sommes un roc dans cette campagne, un repère. Et si les applaudissements sont nourris lorsqu'elle promet des baisses de charges aux petites entreprises, la fin du RSI pour les artisans, il reste quand même une réticence pour nos électeurs de la droite traditionnelle. C'est le problème de l'Europe. Comment on peut sortir de l'euro? C'est vraiment le point qui me gêne le plus, parce que pour le reste... Le franc, je ne sais pas. Voilà, et ça, tant qu'il n'y a pas des grosses précisions... Difficile de trancher. Ça se fera sans doute au dernier moment, disent-ils. Il nous reste 39 jours. Théo Manval, à gauche. Comme on peut voir, Fillon, il est à la ramasse. Les républicains ex-UMP, ex-RPR sont à la ramasse. Et du coup, la plupart des gens de droite ont décidé de voter ou Le Pen ou Macron, a priori, dans leur discussion. Il y a quelqu'un qui veut dire un mot dessus ou pas? Personne veut dire de mots sur Fillon ou... Exit Fillon. On s'en fout de lui. Ouais, moi je m'en fous. De toute façon, Fillon, Le Pen, c'est le même combat. Non ? Non, mais c'est intéressant parce que, je veux dire, là, Fillon, il est dans l'impasse. Et en fait, maintenant, ce qu'on voit quand il intervient à la télé et tout, ou à la radio, maintenant, tout ce qu'il fait, c'est juste se défendre lui et expliquer qu'il est au milieu d'un grand complot et tout ça. Bon, là, je crois qu'il a décidé depuis aujourd'hui de plus dire un seul mot sur les affaires. Mais, enfin, il est vide de sens, quoi. Et c'est intéressant de voir que les gros partis politiques qu'il y avait en 2012, le PS et l'UMP, enfin, du coup, les Républicains, ils sont disparus, quoi. Ils sont passés derrière les psys. Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'ils sont en déliquescence. C'est qu'ils sont là, ils se reproduisent, les mêmes trucs, mais ils sont tous consanguins. Enfin, je sais pas comment l'expliquer autrement. Non, et que tu changes de nom ou pas ? Le PS a gardé le même nom depuis la nuit des temps. Et pourtant, il coule assez rapidement. Et les Républicains de maintenant, qui étaient l'UMP d'avant et qui étaient le RPR d'avant, ont eu beau changer de nom à chaque fois, en fait, l'inéluctable se produit. Du coup, là, on va s'écouter un petit son sur notre héros Macron. Macron, le sauveur de la France. C'est cool. Le programme d'Emmanuel Macron. Alors, je vais dire que c'est Macron, moi, qui me plaît, parce qu'il est différent, parce qu'il a un autre langage. J'ai pas écouté son programme. Je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. Aie confiance, crois en moi. Vous pouvez voter pour quelqu'un, pour un candidat, sans connaître le programme. Oui, pour lui, oui. Parce qu'il est séduisant, parce qu'il peut plaire aux femmes. Vive la République ! Vive la France ! Macron, je ne sais pas si on va y passer du temps, parce que c'est le mec le moins populaire, en fait, qu'on veut nous passer pour le plus populaire. Quand tu interroges le citoyen de la rue ou dans les quartiers populaires, en fait, Macron, bof, ils ne connaissent pas trop et ils s'en foutent, en fait. Le mec, il est apparu il y a un an. Il a été introduit par Jouyet et par Attali, qui ont servi de conseiller d'éminence grise, que ce soit sous les gouvernements de PS ou les gouvernements de droite. et qui est un pur produit du système. C'est le mec qui te dit qu'en tant qu'adolescent, il avait juste 1000 euros d'argent de poche par mois et qu'avec ça, il devait se débrouiller, le pauvre, mesquine et tout. C'est le mec qui a profité de l'argent public en tant que haut fonctionnaire pendant des années, des années, des années. Et c'est le mec, quand tu le vois dans les débats, il te fait rire parce qu'il est d'accord avec tout le monde. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les débats. Moi, je regarde. Du coup, il est d'accord avec Hamon sur les services publics, les hôpitaux, tout ça, la biodiversité, tout ça, l'écologie. Il est d'accord avec Le Pen sur l'immigration et sur pas mal de choses. Il est d'accord avec Fillon sur d'autres choses. Il est d'accord avec tout le monde, en fait. Moi, je t'avoue qu'en allant au taf ce matin, j'ai encore croisé... Enfin, non, je n'ai pas encore croisé. J'ai croisé pour la première fois des gens qui me distribuaient le programme d'Emmanuel Macron. Et j'avoue qu'on dirait un peu, tu vois, la tour de garde, là, les fous là, qui sont fanatiques. Les évangélistes. Ouais, voilà, un peu fanatiques, quoi. Et on dirait un peu un gourou Emmanuel Macron. Et moi, j'ai pas particulièrement le seum contre lui, quoi. Dans le sens où ce mec-là, c'est lui qui a fait toutes les lois antisociales du gouvernement précédent. Il essaye de se présenter un peu comme le renouveau, alors que c'est lui qui a fait la loi travail, qui veut essayer d'étendre à tout le monde le travail du dimanche et le travail de nuit sous rémunéré. C'est lui qui a fait tous les volets sur la loi travail pour, je sais pas comment dire, augmenter le temps de travail, payer moins les heures sup, des choses comme ça. En vrai, sa vision de la société, c'est chacun se démerde tout seul. Il veut casser soit la protection sociale ou que un peu tout le monde soit auto-entrepreneur ou un côté comme ça, un soi-disant funky, tu vois. C'est le candidat du système. Mais c'est depuis 30-40 ans, en fait, de la même politique qui est menée. Hein. C'est la réussite individualiste versus le collectif, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, ce gars-là, c'est vraiment... enfin, je sais pas comment dire. Déjà, la plupart des gens, quand ils ont la chance d'avoir du travail, c'est assez dur. On parle pas des gens qui travaillent de nuit. Ça a été prouvé que le travail de nuit, voilà, les effets de la santé sur la santé du travail de nuit, c'est catastrophique. Et quand on parle de sous-rémunérer le travail de nuit, moi, ça me choque. C'est quelqu'un qui a jamais travaillé de sa vie en réalité, tu vois, et qui prétend réguler nos vies, nous dire au travail, bah voilà, vous allez travailler beaucoup plus dur, bande d'enfoirés et tout. Et moi. Enfin voilà, je m'appelle Emmanuel Macron et je vous dis ça, quoi. Je me permets de vous dire ça, d'où il se permet de parler, quoi. Après, juste moi, je kiffe pas les élections, hein. Je tiens à le préciser. Si on passe ça, c'est pas pour vous inciter à voter pour un candidat ou pas. C'est juste une émission de foutage de gueule sur les gens qui votent en général et sur les candidats, bien sûr. À mon sens, à moi. Mais du coup, là, on va donner la parole à un mec, c'est Hamon. Vous avez vu, les autres, ils n'ont pas eu la parole. Ni Le Pen, ni Fillon, ni Macron. Là, on va laisser la parole à Hamon parce que ça a été très dur pour moi de trouver des gens qui pouvaient dire du bien de Hamon ou pas. Et pourquoi ils voteraient pour Hamon ou pas. Du coup, je le laisse parler pendant une minute ou deux. Ça vous va ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trahison, des ralliements à Emmanuel Macron qui consiste à me planter un couteau dans le dos. On m'annoncerait même la semaine prochaine une mise à mort avec le ralliement de Manuel Valls à la candidature d'Emmanuel Macron. Je respecte le choix de Jean-Luc d'être candidat. Et je ne peux pas faire autrement de toute façon. Je le regrette profondément. Cette campagne est polluée par l'argent. C'est le feuilleton des affaires qui concernent François Fillon qui aujourd'hui rend médiocre cette campagne présidentielle. Sanctionner ceux qui se prêtent à ce jeu morbide. C'est que toutes les semaines est organisée finalement une sorte de feuilleton destiné à m'affaiblir. Bon, voilà. Alors là, du coup, vous avez eu un mot. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'insister, le pauvre. Pourtant, il a bossé, hein. Il a fait un vrai programme. Non, mais sérieux, je suis sérieux. Même si je ne crois pas, il a quand même fait un vrai travail. Il a pondu un vrai programme qui a l'air assez à gauche, ma foi, même s'il est lu de certaines questions. En plus, il fait vraiment un taf de politicien, mais genre à l'ancienne. Il a fait une caravane, il parcourt la France, il va à la rencontre des gens. Et tout. Il fait vraiment du taf, mais on n'en parle pas. Personne n'en parle. Et il s'est fait planter des coups de couteau par tout le monde, comme à l'époque où Ségolène, mais elle, c'était parce que c'était une femme. C'était pas pour les mêmes raisons. En fait, s'est fait planter des coups de couteau par tout le monde. Là, c'est pareil. Et je pense qu'il va voter Mélenchon, hein, le monsieur. Du coup, là, on va... À part si vous voulez dire quelque chose pour un mot ou pas... Non, parce qu'il en a déjà subi beaucoup, c'est ça ? Vive le PS, enfin, je sais pas quoi dire. Voilà. Quoi. Bah, Hamon, en fait, c'est le symbole de la mort du PS. On peut dire ça comme ça ? Ça vous va ? Tout comme Fillon, c'est la mort de la droite classique, on peut dire ça ? C'est genre UMP, RPR, Parti Républicain. On s'écoute Mélenchon ? Enfin, les gens qui veulent voter pour lui, là, ses militants, tout ça ? Je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique avant d'adhérer à l'UPR. J'ai adhéré en 2012 après avoir suivi M. Asselineau depuis... Pull up, donc c'était pas le bon son. Ouais, c'était pas le bon son, autant pour nous parce qu'on avait placé aussi Asselineau, vu qu'apparemment il séduit une partie de la population, donc on va s'écouter ce que disent de lui. Non, juste pour dire, on voit là des affiches de ce mec-là, là, François Asselineau en banlieue notamment, ils ont collé partout, donc je pense qu'ils sont payés un service de collage. Où... Mais en tout cas, moi ce qui me choque, c'est de voir qu'il séduit beaucoup dans les quartiers où on habite. Ouais. Et du coup, la question, c'est un peu pourquoi. Et moi, je connais des gens qui sont tombés fanatiques de lui aussi. Et dans des trucs complotistes, tu vois. Ils ont l'impression que la Terre, elle est creuse, que nous, on marche en haut comme ça. Et puis, il y a des gens, ils marchent à l'envers, tu vois, en dessous. Et que les extraterrestres vont débarquer et tout ça, tu vois. C'est les anarches qui croient ça. Ouais. Non, mais on va relativiser. Ils ne se payent pas de services. Mais c'est un mélange de trucs bizarres. Par contre, il a eu beaucoup d'adhérents et beaucoup de militants. Il a, on va dire, une espèce d'armée de cyber-militants sur les réseaux sociaux. Très efficace. Il est pas mal. Mmh. Et lui, contrairement au PC, par exemple, ou à d'autres, non, il n'a pas payé des gens, c'est des gens qui viennent d'eux-mêmes. Ce qui est marrant, tu vois. Ouais. Mais du coup, on va s'écouter quand même ce que pensent de lui les militants, puisqu'il séduit une partie de la population. Le 7e. Là, ce que tu viens de mettre, en fait. Je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique avant d'adhérer à l'UPR. J'ai adhéré en 2012 après avoir suivi M. Asselineau depuis 4 ans auparavant, donc depuis 2008. Et en 2012, j'ai sauté le pas parce que certains adhérents, à l'époque on n'était pas nombreux, mais certains adhérents contactaient les médias pour essayer de faire inviter François Asselineau dans certaines émissions. Et que certains journalistes, alors je ne citerai pas de nom, mais certains grands journalistes qui travaillent dans des grands médias nationaux, le répondaient par du mépris. Donc je me suis dit comment je pouvais aider ce monsieur à avoir une certaine notoriété au niveau national. Donc la seule chose que je voyais, c'était d'adhérer, être un membre actif de l'UPR. Aujourd'hui, l'UPR est en train de devenir un mouvement politique qui est très intéressant. Donc je m'en réjouis et j'espère que François Asselineau va réconcilier les Français entre eux et va redonner la souveraineté à l'État français. J'étais abstentionniste, je ne croyais pas du tout à la politique. Le principe du tout pourri, tout ça. J'ai commencé à m'intéresser, notamment l'effet Trump, l'effet Poutine et tout ça. Ça m'a un peu... J'ai commencé à voir qu'il y avait une certaine tension, et voir il y avait des choses qui étaient peu expliquées. Donc j'ai commencé à voir les médias un peu alternatifs. Et je suis tombé sur Étienne Chouard, que j'ai suivi pendant un certain temps. Et il y avait un truc qui parlait assez souvent, c'était la sortie de l'Union Européenne. Alors je me suis dit, bon, pourquoi il parle de sortie de l'Union Européenne, alors qu'apparemment, il y avait des choses qui étaient à peu près intéressantes. Et j'ai commencé à creuser, et de fil en aiguille, j'ai entendu parler de François Asselineau, et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser au parti. Alors au début, j'étais un peu sceptique. J'ai commencé à regarder aussi les autres partis, avec avec les connaissances que j'ai apprises par rapport à ce parti, par rapport au fait d'analyser les autres partis politiques, et il s'avérait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient réelles, avec les approches totalement différentes. Et à partir de là, j'ai pas hésité et j'ai adhéré. Bah, rebonsoir à toutes et à tous sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, dans l'émission Au fond près du radiateur, toujours avec mon lot de Robinson, Jeanne, Raphaël et moi-même. Là, on vient d'écouter François Asselineau et l'UPR. Donc, on se fait un petit peu un panel de l'ambiance avant les élections, là. Ouais. À rappeler que François Asselineau, c'était le chef de cabinet Pasqua. Donc voilà. Pasqua. Pasqua, c'était qui ? Pasqua, c'était le mafieux corse, par excellence. Celui qui ne veut pas d'autonomie corse, parce qu'il se plaît très bien dans la République bananière dans laquelle on vit, en fait. Tu vois. Et notamment, il a été dans voilà, les réseaux France-Africains aussi. Il a été dans les réseaux France-Africains. Il connaît très bien le fonctionnement de l'État français, ainsi que les institutions européennes. Comme on a pu le voir, il connaît par cœur les dossiers, en fait. Il peut sortir tous les articles, tous les trucs et tout. Et toi, tu peux que fermer ta bouche parce que tu ne sais pas de quoi. Pasqua, c'était la French Connection aussi. C'est aussi la French Connection, donc c'est une vieille famille de droite. Non, French Connection, c'est genre ceux qui ont développé l'Héro, les laboratoires d'Héro et tout ça à côté de Marseille et tout, et qui l'ont exporté aux États-Unis. Et donc Pasqua, il a traîné avec ces gens-là, et en même temps, il a été ministre de l'Intérieur pour développer la lutte, la guerre contre la drogue et tout ça. Donc il a mangé des deux côtés, tu vois. Donc et puis c'était le mentor de Sarkozy, voulant implanter dans le 92. Mais là, c'est Solido, le chef de cabinet, à une époque de Pasqua. Donc il a taffé pour lui, quoi. Oui, il a taffé pour lui. Et qui plus est, il essaye de refaire une histoire de France à sa façon. Donc elle remonte aux Gaules, genre avec l'idéalisme gaulois, démocratique, patati, qui n'existait pas du tout, en faisant des raccourcis historiques systématiques et en gommant ce qui ne l'arrange pas. Il se réclame d'une tradition gaulienne, souverainiste, mais il séduit pas mal dans les quartiers. Ça, c'est clair. Et à la limite, je dirais, heureusement que c'est lui et que c'est plus Soral. Parce qu'à un moment, c'était Soral qui avait la corde dans certains quartiers. Ah, c'est kiff-kiff. Non, c'est pas kiff-kiff. Mais... Ah, c'est kiff-kiff. Alors du coup, Fillon, Hamon, Mélenchon et Asselineau et Le Pen, c'est kiff-kiff. Là, je suis d'accord. Mais si c'est pour me dire que, genre, il y en a, c'est pas kiff-kiff et d'autres kiff-kiff... Non, mais moi, voilà, c'est pas... Moi, ça me fait pas rêver, quoi. Non, moi non plus. Mais c'est lui une partie de la population. Et tu peux pas le dire. Et pourquoi t'allais dire heureusement ? Quoi, heureusement ? Parce que Soral... Lui, plutôt que Soral. Franchement, si je compare Soral, Le Pen et Asselineau, il est beaucoup plus soft. C'est un mec de droite classique. Ouais, je sais pas. Sarkozy à côté, en fait, c'est Le Pen. Et Asselineau, c'est, je sais pas, Bayrou. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve le gars, il est ambigu. Il dit la moitié de ce qu'il pense et tout. Mais c'est pas le seul gars qui est ambigu. Hein. Mais Mélenchon, il est ambigu. Poutou, il est ambigu. Tout le monde est ambigu, en fait, sur pas mal de questions. Et je suis pas dans le style de faire clivage, genre, ça y est, c'est de droite. Oh, c'est horrible, c'est de gauche. Oh, c'est trop cool, tu vois. J'arrive pas, en fait. Moi, j'ai pas grandi comme ça. Je suis désolé. Pardon. Excusez-moi. Mais la question, c'est pourquoi il séduit, tu vois ? Ça, c'est une très bonne question. On peut la reposer après Mélenchon ? Vas-y. On va s'écouter un petit peu Mélenchon. À quelques heures du meeting de Toulouse, les Mélenchanteurs mettent l'ambiance. Venus de Paris soutenir leur candidat, ces militants front de gauche sillonnent les routes de France avec une idée, prôner l'insurrection civique tout en passant des bons moments. Ça a commencé en janvier-février où j'étais, au début je faisais partie d'une équipe de collage en fait. C'est pas cher. Voilà, après on faisait les marchés en tracté. On voulait mettre un peu d'ambiance alors, on avait des slogans un peu rigolos ou amusants pour le dimanche, voilà, donc on voyait que ça marchait bien. Et là-dessus, je me suis dit, en musique... Dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon, crédité de près de 15% des votes, les militants viennent de partout. Certains ont quitté le PS, pas assez à gauche. D'autres ont laissé le NPA, amputé de la figure charismatique de Besancenot. L'ancien sénateur séduit des communistes de la première heure, mais aussi des jeunes, dont certains étaient jusqu'ici fâchés avec la politique. Avant, je militais pas dans un parti, et avant, j'avais même jamais voté, en fait. C'est parce qu'il y a le Front de Gauche que je vote pour la première fois, en fait. Parce que je voulais pas voter contre, et c'est la première fois que je vais voter pour quelque chose. Jean-Luc Mélenchon a triplé son score d'intention de vote depuis l'automne et ses meetings font le plein. Jeudi soir à Toulouse, entre 30 et 70 000 personnes se sont précipitées place du Capitole pour applaudir leur champion. On salue son charisme et sa franchise et les curieux repartent rarement indifférents. Ce qui me plaît, c'est qu'il a envie de tout changer. C'est le cri de guerre du peuple. Il y a une rébellion qui se fait et on veut remporter ça. On veut plus de dictateurs comme Sarkozy. Je suis très heureuse ce soir. Arrivé à 70 ans pour vivre un tel épanouissement de nos rêves les plus chers, c'est un vrai bonheur. Et la curiosité dépasse même les frontières. Au meeting de Lille, les Belges étaient venus en force découvrir ce phénomène politique français dont on parle tant. On vient de Liège, de la région liégeoise en Wallonie, et nous sommes des métallo-liégeois. Et donc on vient soutenir parce que je pense que ce qui développe, c'est intéressant pour nous. Et je pense qu'au niveau européen, comme il dit, il faut impulser autre chose que la social-démocratie. Prochain grand rendez-vous de Jean-Luc Mélenchon, le Rassemblement de Marseille, le 14 avril prochain, à 8 jours du premier tour. À Marseille, c'était un miracle. Hein. Ah ouais, mais on avait l'impression que le mec, il avait ouvert la mer, tu sais, comme Moïse et tout ça. Je te jure. Bah, et t'as retrouvé le tricycle que t'avais perdu, qu'avait perdu ton neveu il y a 10 ans. Oui, si tu veux. Sauf que j'habitais pas à Marseille il y a 10 ans et que je vois pas qui habitait à Marseille il y a 10 ans pour dire ça. Mais bref, c'est vraiment la religion. Jeanne, t'inquiète. Je vais te laisser parler. Non, je m'inquiète pas. Juste là, le mec, il se voit vraiment en tribun, vraiment en président, tu vois, genre de délire. Il est devenu tout rond quand il parle maintenant. Alors qu'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, il était beaucoup plus énergique, on va dire, sur des trucs ou quoi. Ça, c'est la forme. Il arrive même à séduire des gens de droite. Ouais. J'ai pas passé les sons liés à des gens de droite qui parlaient, mais qui disaient que finalement, Mélenchon, pourquoi pas, tu vois. Donc le mec, il arrive, il fait des trucs. Par contre, moi, je l'aime pas. Comme en fait, pas candidat. Ouais. Moi, je le trouve un peu flippant. Mais du coup, il y a deux trucs. Le meeting à Marseille, là, le meeting pour la paix, bon, je l'ai pas vu en entier parce qu'en fait, il a un verbe... En fait, au bout d'un moment, je le trouve vraiment chiant parce qu'on voit vraiment que le mec, il kiffe s'écouter. Et en plus, ce qui est ouf dans ce meeting, c'est qu'il y a tout, quoi. Il y a le côté symbolique avec « Regardez ce rameau, ça va devenir notre symbole !» Et son truc genre le FIC est devenu un symbole et tout. Donc, il joue vraiment sur plein de trucs comme ça. Il joue aussi sur le côté la patrie, la nation et tout ça. Et après, je l'ai vu à « On n'est pas couché », l'émission de Ruquier qui passe sur je ne sais plus quelle chaîne le soir, quoi. Sur la 2 le soir. Et en fait, ça m'a vraiment choquée parce que déjà, le mec, il met 10 minutes à rentrer. Il regarde la foule avec comme ça de la lumière dans les yeux et il serre la main de tout le monde et il s'assoit, il fait des sourires. Et en fait, le truc qui était marrant avec Mélenchon en 2012, c'est que c'était quand même un peu un mec énervé et qu'il n'était pas dans la complaisance et tout. Alors des fois, il s'énervait contre les journalistes juste pour s'énerver contre les journalistes. Mais là, il est vraiment dans la complaisance. Genre, il fait des petites blagues à Ruquier. Ruquier lui dit « Ah, attention, vous êtes le futur président » et tout ça. Et Mélenchon, il fait « Ah, il rigole un peu ». Et puis, il fait des petites blagues à Yann Wax, quoi. Et Yann Wax, il faut quand même savoir que c'est un mec qui est proche de l'extrême droite. Et c'est une dégueulasserie totale, ce mec. Enfin, c'est comme Burgraff, c'est une petite bourgeoise. Voilà, c'est vraiment des gens dégueulasses. Et il est dans la complaisance. Et il est en train, comme ça, de séduire tout le monde. Alors, son programme, certes, il est bien. Mais le truc chez Mélenchon, c'est qu'en plus, il est... Enfin, il a une posture, je sais pas comment dire, droitière, quoi. Enfin, vraiment. Et c'est ça qui est flippant, c'est que je me dis, ah ouais, en fait, il attire les gens parce qu'il a ce truc rassurant nationaliste, quoi. Enfin, moi, vraiment, ça, il est pas populiste. Moi, je pense qu'il est nationaliste, le mec. Et puis, il est pas clair sur la francophonie et tout ça. C'est un fils de pied noir. Après, un fils de colon. Après, voilà, je veux dire, ça, bon. Si, c'est un fils de colon. Mais il est là, il veut créer un grand truc de la francophonie et enfin, ah oui. C'est bizarre ce truc-là, quoi, en fait. C'est un fils de colon. Ouais. C'est pas autre chose. C'est Mélenchon, fils de colon. Ouais, mais bon. Et en plus, lui qui se la pète un petit peu, genre moi, je suis intègre, je suis sérieux, je suis pas comme Fillon ou les autres. Ouais. C'est un petit peu un menteur quand même. Parce qu'on n'oublie pas sa fille Marilyn à l'époque où il était sur Viry Châtillon dans les années 90, tout ça, qu'il a largement favorisé en emploi, plus ou moins fictif ou pas. Ouais. Avec son fameux Jean qui était maire de Viry Châtillon aussi et qui était le petit copain en fait de sa fille également. Mais du coup, quand il s'est vu à un moment peut-être fonder son parti, peut-être éventuellement devenir candidat à une élection présidentielle et maintenant peut-être président, du coup, il a pris des distances et il a su rester sage. Mais il a fait ses conneries au même titre que d'autres candidats. Moi, je le sais. D'accord, okay. Donc je balance et j'assume parce que je sais d'où ça vient. Toutes les preuves sont là en fait. Il n'y a pas besoin de... Ça remonte à un petit peu loin, c'est tout. Ensuite, c'est un mec sur la religion, je l'aime pas, mais concrètement. Ouais, là, il dit des trucs bizarres, ouais. T'as sorti une phrase genre, j'en ai marre des débats religieux. Genre comme s'il y avait des débats religieux en France. Il n'y a pas de débat religieux, il y a des agressions sur les religions, en fait. C'est tout ce qu'il y a. Et ces débats sont lancés en général par des intégristes que moi je considère comme athées, qui se cachent derrière la laïcité pour pouvoir bien bombarder et tout ça. Ils ne supportent pas la religion. Moi, quand je vois ces militants, une bonne partie d'entre eux, comment ils parlent sur les femmes voilées ou ouais. les femmes en hijab ou quoi, bah, j'ai pas du tout envie. C'est un gros hypocrite avec un parti d'hypocrite, en fait. Je m'en rappelle à Grigny aussi, où le Front de Gauche, en fait, on avait fait une espèce de son caméra cachée et tout ça. Et tu avais les militants du Front de Gauche qui s'étaient lâchés sur la mosquée, sur les musulmans, sur tout ça, et qui étaient assez horribles et révélatrices de la mentalité. C'est un mec, il veut pas sortir de l'Europe, vraiment. Il veut peut-être réaménager des traités ou relancer. Mais alors pour moi, je ne vois pas ce que tu peux réagencer ou rechanger. C'est comme croire que l'élection présidentielle permet de changer les choses ou comme croire qu'intégrer un parti, que tu peux changer le parti de l'intérieur ou je ne sais pas trop quoi. Non, après, ce n'est pas ça l'idée forcément. Ouais. Pour moi, ouais. ça ne marche pas. Ouais, ouais, okay, c'est un mec qui ne remet pas en cause le système comme il est conçu au niveau des échanges, de la monnaie. Il ne remet pas en question. En fait, il y a plein de trucs qu'il ne remet pas en question. Donc je sais très bien que s'il est élu, il peut me promettre une 6e République, sauf que la France, pour moi, c'est une République d'assassins, en fait. Non, mais ça fera... Elle a beau être la 1ère, la 2ème, la 3ème, la 4ème République, la 5ème, il peut faire la 6ème, ça sera toujours un État raciste, une République raciste et assassine. Moi, le truc qui me saoule avec lui aussi, c'est que ça ressemble trop à Syriza en Grèce, tu vois. Ouais, bah ouais. C'est genre, on fait croire aux gens à un changement qui vient d'en haut, et après, une fois qu'il arrivera au pouvoir, je pense qu'il va faire la... Il sera, tu vois, à la tête de l'État français, à la tête des institutions françaises. Il va continuer dans ce que c'est, tu vois. Il va pas changer les choses structurellement. Et c'est faire croire aux gens qu'un changement, il va arriver d'en haut, alors que le changement, il arrivera pas comme ça, tu vois. C'est nous-mêmes, on va faire le changement par nos actions et tout ça, par les collectifs dans lesquels on est, les assos dans lesquels on est, parce que font les gens à la base. C'est comme ça qu'il viendra le changement. C'est pas un homme providentiel qui va le faire. Et c'est ça, tout le fonctionnement des élections présidentielles. C'est qu'on nous fait croire qu'un mec comme ça, il va tout changer, tu vois. Et c'est malsain un peu, tu vois. C'est, moi, je sais pas, c'est, ça va faire beaucoup de désillusions s'il passe. Après, c'est... Non, je suis d'accord avec toi. C'est... Comme d'habitude, non, je sais pas. Non, après, mais sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une défaillance de croyance dans les élections, quoi. Et je pense que le fait qu'il y ait un énorme taux d'abstention, j'en parlais avec Fatima, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui disait ce qui est con avec l'abstention, c'est qu'on considère que c'est les gens qui se désintéressent de la politique, mais c'est pas ça, en fait. C'est juste qu'ils y croient plus, en fait. Enfin, pas de la politique, mais c'est pas qu'ils... Enfin, ils croient en la politique, mais ils croient plus aux élections, mais ce qui est, en fait, lucide, en fait, de pas croire aux élections, quoi. Donc c'est vrai que je trouve ça étonnant qu'un mec comme Mélenchon, il soit aussi populaire, parce que vraiment, ce mec, c'est juste... C'est comme Macron, d'ailleurs, ce mec, c'est juste... C'est de la posture, quoi. Moi, je le comprends dans le sens où la plupart des classes pauvres et tout ça espèrent quand même qu'il y ait quelque chose, tu vois. Mais c'est pas que les pauvres, en fait. D'ailleurs, les gens qui sont autour de Mélenchon... Enfin, les pauvres, d'ailleurs, ça veut dire quoi? Enfin, pardon, mais... Non, il y a les pauvres, et puis il y a aussi les petites classes ou les petites classes moyennes, tu vois, qui ont une certaine appréhension, une certaine angoisse, et qui ne savent plus vers qui se tourner, en fait, et qui ont perdu toute confiance envers les autres, et qui pensent que Mélenchon est un renouveau du système, en fait. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et qui les rassure. Parce qu'il permet de préserver la retraite, il permet de préserver plein de choses. Et il va mettre beaucoup plus de vaseline que les autres aussi. Du coup, ça peut passer mieux. Mais moi, fondamentalement, je ne sais pas. À la limite, je prendrais peut-être un jour un candidat au sérieux s'il me dit, par exemple, la dette de la France, bah, je ne la paye pas. Ouais, parce que Poutou, par exemple, si Poutou dit ça. Syriza, ils ont dit ça en Grèce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'inverse. Non, parce qu'ils ils sont restés enfermés. C'est pour ça que je dis, je prendrais peut-être un candidat au sérieux s'il dit ça, tu vois. Et s'il remet en cause, en fait, plein de choses. Genre, on sort de l'ONU, c'est bon. On n'a rien à faire dans un truc colonial qui domine tout le monde entier. Où c'est une petite poignée de pays qui prennent des décisions. Mm. Pareil. Donc, tant que en fait, des gens ne disent pas sérieusement des choses sérieuses, je ne vois pas l'intérêt de croire aux élections. Moi, ça fait longtemps que je vote plus. J'ai plus envie. Ok, moi je vote. Tu voulais dire un mot sur Poutou, tu peux. Hein, non. Bah après, moi je vote parce que effectivement, je pense qu'on peut à la fois. Enfin, de toute façon, on est toujours en train de négocier avec le système dans lequel on est, parce que sinon, on vit juste dans une grotte tout seul, quoi. Et enfin, je crois. Hein. Et c'est vrai que j'ai pas d'élus. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui votent. Par exemple, les gens qui votent à l'extrême gauche, ils ont pas forcément d'illusions sur le système. Enfin, extrême gauche, j'entends. Enfin, Arthaud, Poutou, quoi. Enfin, ils n'ont pas forcément d'illusions sur le système, mais c'est que voter, en fait, ça permet aussi peut-être d'envoyer un petit signal d'alarme. Que ça, en fait, voilà, les élections, ça reste quand même une tribune médiatique. Regarde, j'ai connu 2002. Ouais. Chirac, Le Pen. Ouais, d'accord. Ouais. à cette période-là, à la limite, si les politiques ils avaient un minimum d'honnêteté, de sincérité ou de vision, et tous, hein, que ce soit de l'extrême gauche ou de la droite ou du centre ou de la gauche, ou tout ce que tu veux, tu vois, ouais. Ou un minimum de bon sens, ils n'auraient pas fait cette putain de surenchère raciste, islamophobe et autres qui mène depuis 12-15 ans à l'endroit des musulmans ou des Roms ou des Noirs africains, ouais. Ou autres, tu vois. À partir de 2002, ils ont fait un choix. Tout le monde a voté pour Chirac. Il y a eu 80% ou 85% ouais. Pour Chirac, un truc comme ça. Mm-hmm. Tout le monde a fait confiance. Ils se sont dit, vas-y, bon. Ils n'ont pas fait confiance. Ils ont eu. On a fait de l'abstention au premier tour. On n'a pas voté Jospin. On n'a pas voté ceci. Du coup, ça a causé cela. Donc là, on va faire. On envoie un signal fort. Le vote, il est utile. Mais en fait, on s'est aperçu. Tchotchi. Ça a fait. Pchit. Et je ne sais pas si vous vous rappelez des grands forums sociaux auxquels on entendait parler beaucoup. Tu avais des gens comme. Comment il s'appelle déjà le moustachu, là? José Bové, là. José Bové ou d'autres, tu avais Attaque qui était née à l'époque. Oui, et d'accord, tout ça, ouais, tout à fait. Ça portait aussi une période d'espoir et c'est pratiquement dans la même période que 2002, tu vois. Ça a commencé un petit peu avant et c'était dans cette période-là aussi. Bah, ça a foutu en l'air plein d'espoir. Tu as plein de gens, on s'est aperçu que c'était des vendus, qu'ils étaient avalés par le système. De en qui fait. José Bové, des. Non, mais c'est venu d'autres. Après, ça c'est venu après. Non, mais peu importe. Je veux dire, après 2002, il y a quand même eu des mouvements sociaux. Il y a eu le CPE, il y a eu. Mais toujours en baisse. Toujours les gens, quand ils contestent, c'est toujours de moins en moins, en fait. Bah, je sais pas. Mais c'est pas par rapport à 2002, ça date de avant, je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, t'as une surenchère qui a rendu un État qui était déjà raciste encore plus raciste. Une population qui était déjà raciste encore plus raciste. Et on en arrive à une situation telle que là, maintenant, les gens, ils croient plus en rien. En plus, on s'aperçoit que la plupart, ils sont vendus. Ils trempent tous dans des affaires. Mais ils prennent tous des casseroles. Non mais enfin là j'ai l'impression qu'on est un peu en train de tout mélanger quoi tu vois parce que après on peut enfin c'est long à faire tu vois mais analyser la situation politique de pourquoi il y a moins en moins de gens qui se mobilisent c'est qu'aussi que c'est enfin voilà maintenant il y a la peur genre ah ok tu te mobilises tu fais grève bah vas-y je te vire de toute façon je te remplace par quelqu'un d'autre avec le taux de chômage qu'il y a etc donc en fait il y a plein de mécanismes à prendre en compte moi je suis d'accord c'est clair que l'État aujourd'hui de l'extrême gauche et tout c'est enfin on peut dire que c'est j'ai pas envie de dire que c'est catastrophique mais c'est vrai que il y a beaucoup moins de militants qu'avant et les gens ils sont vachement plus désespérés ils sont vachement plus dans un truc moi je parlais du vote genre ouais le vote pas, mais moi, plus, je ne crois plus en vote utile. On m'a chanté la chanson, on m'a fait croire. Non, mais croire, la vote utile, ça ne veut rien dire. Fait. Je sais que ma voix, elle ne changera rien. Je sais que 10 000 voix de ma voix, elle ne changera rien non plus. En fait, il n'y a rien qui change. Moustapha et Jeanne, je vous propose un mot pour conclure. On va passer au dernier sujet de cette émission qui se termine à 20h30. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Mouloud et Robinson, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose aussi. Votez pas, hein. Prenez les candidats par les cheveux et vous leur tapez la tête par terre, c'est mieux. Moi, je voulais dire une abstention utile, votez Poutou. chacun son truc, hein. Mouloud et Robinson, hein. Si vous voulez dire un truc en plus, non. Bah, on va s'écouter on va faire une petite pause musicale et je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle « Affront national » de Tiers Monde. Ça sera un peu la conclusion de ce sujet et tout de suite après on va parler un peu de cinéma. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, c'est l'émission Au fond près du radiateur comme tous les mardis de 19h à 20h. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, entraîneurs humains. On se gouverne nous-mêmes. Yeah. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. Je répète, on se gouverne nous-mêmes. Fuck la gauche, la droite, le FM. Fuck you, fuck toi, fuck l'espèce humaine. On se gouverne nous-mêmes. Manuel Valls. On se gouverne nous-mêmes. Sous la semelle de Marie Bock. Y'a plus de PQ, Marlich, mon pote, prends ton bulletin de vote. On se gouverne nous-mêmes. Remercie la République de m'avoir instruit. Y'a erreur sur Taubira, ce n'est pas une guenon, mais une truie. C'est une blague de mauvais goût. Donc je nuance, sors de mon silence, m'y lance, mensonge immense, finance, fiancé à Kadhafi. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, entraîneurs humains. On se gouverne nous-mêmes. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, entraîneurs humains. On se gouverne nous-mêmes. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. déçu de la politique, tu penses voter FN. Non, je gouverne nous-mêmes. C'est comme être déçu de la viande et puis bouffer de la merde. Non, je gouverne nous-mêmes. God damn, chaque rebeu, tout bab et chaque nec sont opposés dans vos discours, donc ça bat selon leur épiderme. Non, je gouverne nous-mêmes. Ni de gauche, ni de droite, ni du centre, monobole, on en faut se détendre. Freestyle entre deux tours, je parle pas du 11 septembre. Non, je gouverne nous-mêmes. Si les escrocs, les voleurs n'essaient qu'à gouler, je crois qu'on reconnaîtrait plus personne au Sénat ou à l'Assemblée. Donc on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, entraîneur humain. On se gouverne nous-mêmes. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, entraîneur humain. On se gouverne nous-mêmes. Toutes les portes qu'on a ouvertes nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes. On se gouverne nous-mêmes, on se gouverne nous-mêmes. Peine planchée et copée, j'calcule, rien ne recule. Ni le chômage, ni le cumul, ni la calvitie de Jean-François Copé. En France-Afrique, car le bled vous sert de carburant. Faut reprendre à César les crimes qui appartiennent à Mitterrand. J'suis comme ex-Nilo, molo, bolo, gel stylo, hostilo, criminel en starco. Personne dans mon ghetto tremble dans plus d'affaires que Sarko. Non, non, plus de racisme, je suis un négro qui vote blanc. C'était Affront National de Tiers-Monde, donc Tiers-Monde notamment qui est dans le collectif Dean Record avec Medine et Brave notamment. Voilà, donc dernière partie de cette émission, il nous reste un quart d'heure. Et avec Jeanne, on voulait vous parler d'un film qui s'appelle Il faut savoir se contenter de beaucoup. Voilà, c'est un film qui est sorti en 2015 et qui a été fait par Jean-Henri Meunier. Donc Jean-Henri Meunier, il a commencé à faire des films en 75 et il a fait des documentaires musicaux et il a fait pas mal de films en fait sur un village qui s'appelle Najac en Aveyron et il a fait plusieurs films aussi sur des SDF toulousains, c'est-à-dire il a fait un premier film donc où il suit trois personnages, enfin c'est trois personnes qui sont réellement SDF et qui sont à la recherche d'un logement et il a fait la suite où en fait il retrouve ces personnes, qu'on trouve un logement et voilà, donc en fait il s'intéresse un peu comment dire, aux populations en marche. Quoi. Et donc, il faut savoir se contenter de beaucoup. En fait, c'est un road movie, on pourrait dire docu-fiction, c'est-à-dire que c'est à la fois du documentaire et il y a un peu des scènes écrites, mais en fait, c'est plutôt genre un film improvisé. Et donc, il suit deux personnes qui sont Jean-Marc Rouillant et Noël Godin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marc Rouillant. Non, on ne connaît pas, tu peux nous dire qui c'est. Et Noël Godin, voilà. Non, en fait, c'est plus pour les auditeurs. Ah ouais. Bah non, mais c'est juste comme ça, si vous vouliez parler d'eux... Et du coup, Noël Godin, il est né en 45 et en fait, il est plus connu sous le nom de Georges Le Gloupier. C'est un Belge, non ? Ouais, c'est un Belge. Et c'est plus connu sous le nom de Georges Le Gloupier ou l'Entarteur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un terroriste pâtissier. Et en fait, son but, c'est d'entarter les pompeux cornichons, comme il dit. Et en gros, il dit « La croisade pâtissière sert d'esquisse révélateur. Elle informe admirablement sur la nature profonde des Gustaves enfarinés. » Donc, c'est-à-dire que son truc, c'est de balancer des tartes à la crème à la tête de personnes connues qui jugent problématiques. Donc, il a entarté Doc Gynéco, Sarkozy, Bill Gates, Marguerite Duras. Et son petit favori, c'est Bernard-Henri Lévy. Donc, je pense que vous avez déjà vu plein de vidéos où BHL, il se faisait entarter. Il a déjà entarté 8 fois. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que Noël Godin, quand il entarte, il fait gloup-gloup. Et maintenant, quand BHL, il entend gloup-gloup, genre, il réagit tout de suite et il est en panique, quoi. Il se fait un peu dessus, donc voilà, c'est rigolo. Donc voilà, en fait, Noël Godin, c'est un espèce de personnage comme ça... assez bedonnant, il a de l'arthrite, il est tout maladroit, il a un espèce de verbiage hyper... Acéré Enfin, pardon, excentrique, quoi. Enfin, il aime bien inventer des mots genre bandatoire pour dire que c'est super, voilà, pour dire que c'est bandant, en gros, bref. Et voilà. Et ensuite, il y a Jean-Marc Rouillant. Donc lui, par contre, c'est un... Ouais, voilà. Et en gros, lui, il a commencé... Donc il est en 52, donc il a genre 10 ans de moins que Godin. Et donc, c'est un libertaire autonome anarchiste, quoi. Et il était d'abord militant dans la lutte armée antifranquiste en Espagne, du coup, dans les années 70. Et après, à partir des années 80, il était dans Action Directe, donc un groupe armé. Après, je connais pas très bien l'histoire d'Action Directe. Je crois qu'au plus... À leurs heures de gloire, ils devaient être 200. Et puis, à la tête, ils étaient, je pense, une dizaine, je crois. Dont la femme de Rouillant, donc j'ai oublié le nom, je suis désolée. Et voilà, et en fait, leur truc, c'était plutôt de... Donc, c'était des attentats, mais ciblés. C'est-à-dire, c'était pas des attentats de masse, hein, faut préciser quand même. Et donc, Rouillant, lui, là, il est allé en prison en 89, condamné à perpétuité pour le meurtre, enfin, l'assassinat de Georges Bess, qui était le patron, le PDG de Renault, je crois. Voilà. Et il a été mis... Donc, bon, après, il est sorti en 2007 et en 2011, mais en fait, il a été réincarcéré parce qu'il avait fait une interview dans l'Express et tout ça, bref. Et donc, depuis 2012, il est en liberté conditionnelle. Et Jean-Marc Rouillant, aussi, c'est un écrivain. Et il a le seul bouquin que j'ai lu de lui, ça s'appelle « Je hais les matins ». Et je pourrais lire un extrait après, si vous voulez. Et c'est vraiment magnifique, en fait, parce que pour pas péter un câble, parce qu'il faut quand même savoir qu'il a fait 7 ans d'isolement, c'est-à-dire où il est tout seul, il voit personne et tout. Enfin, bref, l'horreur. Et il écrit beaucoup sur la condition... Il a beaucoup écrit sur la condition carcérale. Et il a beaucoup écrit sur... Enfin, pourquoi en fait être un révolutionnaire, et c'est vraiment un poète, et enfin, ses textes sont vraiment magnifiques, quoi. Et c'est, voilà. Donc, je reviens au film, en fait, du coup, l'histoire, c'est. L'idée, c'est qu'il y a Jean-Marc Rouillant qui sort de prison, il y a Noël Godin qui vient le chercher, et en fait, ils sont dans une espèce de quête comme ça pour essayer de trouver ceux qui, en France, sont toujours dans la résistance, en fait. Donc, on les voit comme ça, ils rencontrent par exemple des musiciennes un peu friponnes qui font des chansons coquines, ils rencontrent des zadistes qui sont pacifiques, des féministes radicales activistes, des gitans, des anciens compagnons de cellules de Rouillant. Et voilà, ils font du bateau, ils dorment en voiture, et surtout, ils parlent beaucoup. Et bon, après, là, c'est un peu subjectif, et je sais pas, après, voilà, mais c'est deux... En fait, ce qui est ouf avec ce film, c'est que les deux personnages, ils sont issus d'une génération qu'ont connu ça, 68 et la lutte armée, et en fait, qu'ont connu ce que c'était que l'extrême-gauche avant la chute du mur, c'est-à-dire, on en parlait un peu tout à l'heure, quoi, en fait, où il existait encore une lutte contre le capitalisme qui était tangible, où en fait, c'était encore possible d'avoir un peu un idéal comme ça, enfin, où la lutte contre le capitalisme existait vraiment, quoi. Enfin, elle existe encore, mais si vous voulez, les rapports de force, maintenant, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Disons qu'aujourd'hui, un peu l'idéologie bourgeoise, elle a un peu tout contaminé, enfin, je sais pas comment dire, mais... Enfin, on voit un peu avec l'état de l'extrême-gauche, quoi. Voilà, en fait, il se passe rien dans le film, et pourtant, on en sort motivé, enthousiaste, et c'est un feu qui balance un peu, comme ça, de l'essence sur le feu révolutionnaire qu'on peut avoir en nous, quoi. Parce qu'en fait, les deux hommes, au lieu de se plonger dans la résignation morose, en fait, une résignation qui a atteint plein de 68ards, vu qu'il y en a aujourd'hui qui votent Macron, pour, voilà, ils sont pas du tout cyniques. Et en fait, c'est plutôt que la lutte qui les habite, elle est viscérale et elle fait partie de leur ADN. Et en fait, ce qui est aussi génial, c'est qu'ils ne considèrent pas du tout que les nouvelles générations... En fait, ils ne sont pas cyniques, ils ne vont pas considérer que les nouvelles générations, elles sont apolitiques et qu'ils sont débiles et tout, comme ce qu'on entend souvent. Et au contraire, ils ont en eux un espoir. Et à un moment, il y a Rouillant qui dit un truc du genre « J'ai donné beaucoup de ma vie à la Révolution et j'espère que la Révolution, elle va me donner beaucoup pour ma retraite. » Et c'est, en fait, c'est l'air de dire « Appropriez-vous l'histoire des luttes et faites en sorte de continuer mon combat. » Et donc, Jean-Marc Rouillant, le terroriste artificier, et Noël Godin, le terroriste pâtissier, en fait, il nous donne à voir que la subversion et que le véritable antisystème, c'est quelque chose de joyeux et d'expiègle. Et en fait, c'est un film qui met en avant, en fait, ce que la lutte, c'est quelque chose de à la fois d'enragé, enfin, d'une colère légitime, et à la fois un truc super joyeux. En gros, enfin, c'est vraiment un film. Moi, je sais pas, quand je l'ai regardé, je me suis dit, en fait, révolutionnaire, c'est du bon côté de l'histoire avec un grand H. Et que voilà, c'est être dans la continuité de tous ceux et toutes celles qui se sont battus contre l'ordre établi, enfin un ordre établi sur l'exploitation et l'injustice, quoi. Bon, voilà, je m'emballe un peu, je suis désolée, mais... Et voilà, et puis le truc aussi qui est hyper ouf, c'est que Rouillant, faut se dire qu'il a fait 25 ans de tôle, 7 ans d'isolement, et c'est un type, en fait, en gros, c'est tout un système qui a essayé de lui faire renier ses convictions, en fait, de lui faire... Enfin, qui s'excuse d'avoir mené des attentats, etc., etc. Et voilà, en le transformant en terroriste, on, ça délégitime totalement toute sa pensée, quoi. Et en fait, ce que nous dit le film, c'est qu'il ne faut jamais tomber dans le cynisme, même si c'est dur, même si on vit une époque désespérante et sans alternative. Et que, en fait, ce qui compte, c'est la solidarité avec sa classe et avec tous ceux qui cherchent à déstabiliser le pouvoir. Et voilà, et c'est l'amour de la subversion et l'humour contre la, la vulgarité de la bourgeoisie, quoi. Et que, en fait, c'est un film qui donne de l'énergie pour garder la tête haute et voilà, le poing en l'air, quoi. Et enfin, voilà, c'est un film très joyeux et c'est hyper drôle. Et voilà. Bon, donc, je ne sais pas si vous voulez réagir un peu à ce que j'ai raconté. Ou... Bof. On est assez court en temps, en fait. Il y a un petit agenda que Rav va dire enfin. Mais ouais, moi, je conseille de voir le film, même si je ne l'ai pas vu. J'ai lu une très bonne critique sur Nova et je viens d'écouter ta très bonne critique aussi, également. Du coup, je le capterai bien. On peut le télécharger ou pas? J'en sais rien, je pense que peut-être, je sais pas. On peut le trouver facilement sur un site ou en DVD ou je sais pas, moi. Je pense que c'est toujours possible de télécharger si on se débrouille bien. Moi, je l'ai pas trouvé en ligne, à vrai dire, mais... Tu l'as vu comment? Moi, je l'ai vu au festival à l'écran, le cinéma de Saint-Denis. Oui, t'es. Présenté par Rouillant et Godin, voilà. D'accord, tu nous rappelles le titre? C'est « Il faut savoir se contenter de beaucoup » de Jean-Henri Meunier. Merci. Raph. Donc, on va passer à un petit agenda. Donc, pour vous dire plusieurs événements qui vont se passer dans les jours à venir auxquels on vous invite à participer. Donc, le premier, ça sera demain, mercredi 12 avril 2017 à 9h du matin. Il y a un rassemblement devant l'hôtel de ville de Paris pour soutenir les 315 salariés de Vélib. Donc Vélib qui marche avec des appels d'offres. C'est-à-dire que là, l'appel d'offres lancé par la ville de Paris va être renouvelé. Et actuellement, c'est JC Deco qui l'a. Et ça pourrait être une autre société qui va récupérer le marché. Et donc, les salariés de Vélib étaient en grève et notamment ont bloqué les réparations de Vélib, les bornes Vélib et tout ça. Vous avez peut-être pu le remarquer. Pour, en gros, éviter les licenciements parce qu'ils ont peur qu'au passage d'une nouvelle société, ils en profitent pour licencier une partie des salariés et pour casser leurs conditions de travail ou les acquis sociaux qu'ils pouvaient avoir. Donc voilà, il y a un rassemblement demain devant l'hôtel de ville de Paris à 9h, parce que notamment il va se passer un truc, il y a un conseil d'élus de Paris ou quoi qui vont dessiner un truc sur Vélib. Donc voilà, on vous invite à rejoindre ce rassemblement si vous en avez envie. C'est demain 12 avril à 9h, mercredi. Le prochain rassemblement dont on voulait parler et auquel on vous invite à participer, c'est dimanche 16 avril à 14h. Donc il y a un rassemblement contre le meeting du Front National de Marine Le Pen qui aura lieu au Zénith de Paris, donc vers Porte de la Villette, qui aura lieu lundi. Et donc à partir de dimanche, il y a toute une mobilisation qui se lance auquel de nombreux partis, collectifs, associations appellent pour s'opposer à cet acte important dans la campagne électorale ou la mascarade électorale, quoi. Et pour éviter aussi que ce parti-là, le Front National, tout simplement qu'il ne tienne pas un meeting dans Paris comme ça, qu'on essaie de l'empêcher ou quoi. Donc ça se passera, il y a un long appel que vous pouvez retrouver sur Facebook et tout. On ne va peut-être pas le lire maintenant. Mais ça sera dimanche 16 avril à partir de 14h. Donc voilà, si vous voulez rejoindre cet appel. Et il y aura une journée d'action aussi le lundi, le 17 avril. Vous pouvez retrouver tous les événements, toutes les informations sur Facebook. Ensuite, ça sera le 22 avril. Il y a un meeting aussi pour Bagui Traoré, nouvelle figure du prisonnier politique, donc Bagui Traoré, qui est le frère d'Adama Traoré, qui a été tué par des gendarmes cet été à Beaumont-sur-Oise dans le 95. Et pour avoir voulu demander que toute la lumière soit faite et que la justice soit donnée pour son frère Adama Traoré, se retrouve aujourd'hui en prison pour soi-disant, il est accusé d'outrage et de violence ou des trucs comme ça. Et donc, toute la famille Traoré subit une certaine répression. Et il y aura un meeting pour soutenir Baggy Traoré. Ça sera le 22 avril, 85 rue Charlot, 7503 Paris, près de République. Voilà. Donc, notamment, il y aura des membres du comité Vérité et Justice pour Adama, des anciens membres du mouvement Immigration Banlieue, Mathieu Rigouste, qui est un sociologue qui a beaucoup écrit sur la police, l'histoire de la police, tout ça. Il y aura des membres de la famille Camara, donc les frères Camara au moment des émeutes de Villiers-le-Bel en 2007, des révoltes qui avaient eu lieu à Villiers-le-Bel suite à la mort de Laramie et Mouchine, deux jeunes qui avaient été tamponnés par une voiture de police et qui avaient, parce qu'ils étaient en mini-moto, qui avaient été tués sur le coup par les policiers. Il y avait eu des révoltes à Villiers-le-Bel, peut-être vous vous en souvenez, en 2007. Et les deux frères Camara avaient été désignés comme leaders et ils ont pris 10 ans de tôle. Et donc voilà, on peut dire aussi que c'est des prisonniers politiques. Donc il y aura des membres de la famille Camara. Il y aura des membres du comité pour la libération de Georges Ibrahima Abdallah, donc qui est un militant révolutionnaire pro-palestinien qui est incarcéré plus vieux en France, plus vieux prisonnier politique de France, etc. Donc... que les juges... Oui, les juges ont prononcé la libération, mais il est toujours en tôle, quoi. L'État français s'oppose à sa libération. Donc voilà, de nombreux militants et nombreuses prises de parole à cette journée du 22 avril en solidarité avec Baggy Traoré et tous les prisonniers politiques. Voilà, donc au fond, près du radiateur, ça se termine. On se retrouve mardi prochain de 19h à 20h30. Vous pouvez aussi écouter la rediff le vendredi matin de 7h à 8h30 du matin. Et tout de suite, on laisse la place à l'émission Dooboot, à Lucien, Théo. Voilà. Merci, merci d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée. Revolutionaries, you know? You just myself as a revolutionary. Who don't have no help and not take no bribe from no one to fight it single-handed with music. Don't give up the fight.